Elle était belle un peu comme la mort. Mes amis s'inquiètent quand elle parle de moi. Y'avait des bleus sur ma pomme d'Adam. Oh là là là, j'aimais son corps et son aura, je crois. Je l'ai détesté, comment l'aurais-je cru? Souvenir d'amour avant que l'orage gronde. Je passe la porte, je la vois assise. J'ai trop fumé, je deviens amnésique. Elle m'a rappelé que j'étais revenu ici pour de mauvaises raisons. J'ai le cœur brisé, j'ai cru en ce qu'elle disait, c'est vrai. Mais je disparais comme un hologramme et ça se pourrait que j'ai mal au crâne à force qu'on avance pour rien. Je suis parti vite, j'avais le choix. Je pouvais pas voir tous mes sentiments. Au bord du vide, les sirènes chantent. Je suis resté pendant des heures chez moi. Oh là là là, je me suis cloné, j'avais 5 jumeaux. Elle savait pas vraiment lequel j'étais. C'est pour ça que j'ai mal. Elle disait use, regarde comme je t'aime. Je lui ai jamais dit combien de grammes je tombais. Ce qu'elle savait pas c'est que moi j'aimais trop ça. Quand j'étais foncé, elle passait à travers moi. J'aurais préféré qu'on me crève un œil pour pas l'avoir dans les bras d'un autre et lui couper la tête comme un cavalier. Je risquais ma vie pour elle, mais tout ça je l'ai fait pour rien. Qu'elle m'a tué, que moi j'ai plus rien. Déteste les humains à cause d'elle. Si je fais que parler d'un crash d'avion, si je suis sûr qu'elle va me jeter un sort, oh non. Je regarde toujours ce qu'il y a autour de moi. J'ai l'impression de l'avoir dans le corps du nord. Il faut que je me calme. Le médecin m'a dit qu'il fallait que je m'allonge. Il trouvait bizarre la couleur de mes phalanges. J'écoute sur mon monde, il y avait trop de nuages. Je résistais mais bon, aujourd'hui mes yeux sont noirs. Chaque fois que j'ai ça c'est pour qu'elle se rappelle que sans elle j'irai bien dans mes vieux souvenirs. Mais je sais que je pourrais l'aimer encore plus fort qu'avant. Pardonne-moi, je reviendrai jamais.